L'actualité à Nancy et ailleurs. Du 5 au 9 mars, le Parc Expo de Nancy accueille le salon Habitat Déco, Métiers d'art et antiquaire. C'est organisé par Destination Nancy. Aurélie Henbert, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du salon. Le salon qui revient cette année avec toujours cette formule 3 en 1. Comment vous pourriez présenter cette édition 2026 en quelques mots ? Alors effectivement, c'est une édition 3 en 1 qui répond à tous les besoins et les attentes des porteurs de projets en lien avec l'habitat. Et fidèle à l'esprit des éditions précédentes et en écho avec aussi les attentes sociétales actuelles, c'est un rendez-vous incontournable qui va mettre notamment cette année à l'honneur les savoir-faire artisanaux, alors c'est toujours le cas, mais on insiste encore un petit peu plus cette année, ainsi que des nouvelles formes d'habitat axées sur l'économie circulaire et la durabilité, puisqu'on se doit d'être toujours un petit peu en phase avec les attentes de nos visiteurs. Alors, j'ai vu que cette année, vous mettez aussi en avant la reconversion professionnelle. Oui, alors chaque année, dans le cadre du Salon des métiers d'art qu'on organise en partenariat avec la région Grand Est et la métropole du Grand Nancy, il y a toujours un espace un petit peu tendance. Les années précédentes ont été plutôt sur une matière, hein, puisqu'on a travaillé sur la vannerie et puis sur la céramique. Et cette année, on s'est dit que ça pourrait être intéressant de travailler sur la reconversion effectivement professionnelle au sein des métiers d'art, puisqu'il y a beaucoup de gens qui se réorientent dans cette branche. Donc en fait, on va pouvoir venir prendre des informations et voir aussi la réalisation des étudiants qui se sont réorientés dans cette dynamique des métiers d'art. Plus de 260 exposants, 13 000 mètres carrés d'exposition. Alors pour des personnes qui ne seraient jamais venues, comment elles s'y retrouvent sur place ? Sur place, en fait, du coup, donc on est au Parc Expo, on rentre par l'entrée principale et là, en extérieur, on a déjà une dizaine d'exposants qui vous accueillent et qui permettent de vous ouvrir le chemin vers le hall A. Et quand on arrive dans le hall A, on va pouvoir découvrir toute la partie ameublement, décoration du salon Habitat Déco, toute la partie métier d'art et toute la partie antiquaire. Et puis, en continuant son chemin et en passant dans le hall B qui est juste derrière, là, on va aller plus sur la partie d'amélioration de l'habitat, des jardins, des installations extérieures et la place des food trucks. Un coup de cœur cette année, la designer et ébéniste Lénaïgue Bourgoin. Vous pouvez nous en dire quelques mots ? Bah effectivement, là aussi, chaque année, on met un artisan à l'honneur, un artisan d'art. Et donc cette année, c'est effectivement Lénaïgue Bourgoin. Designer et ébéniste, comme vous le disiez, elle conçoit et fabrique des objets bavards en bois pour susciter la curiosité et éveiller l'imaginaire. Bah en fait, je ne peux que vous inviter à venir découvrir sur son stand, parce que sinon, si je vous en dis trop, il n'y aura plus cette curiosité et ce côté imaginaire. Donc là, rendez-vous sur le Salon des métiers d'art pour découvrir Lénaïgue Bourgoin. Pour les personnes qui seraient plus intéressées par le côté antiquaire, il y aura un professionnel, un expert sur place. Oui, alors pendant tout le salon, on a toujours la présence d'un antiquaire en la personne de Pierre Bourgeois qui nous suit depuis de nombreuses années. L'avantage, c'est qu'il va pouvoir un petit peu guider les visiteurs dans leurs découvertes et dans leurs achats. On a aussi une trentaine d'exposants antiquaires ou restaurateurs d'art qui sont présents avec des antiquaires reconnus localement. Donc ça, c'est vraiment une garantie de la qualité des marchands qui sont présents. Les restaurateurs d'art, ça c'est aussi quelque chose de très intéressant. Et puis cette année, on accueille aussi une maison de vente aux enchères, la maison Alexandre Landre, qui va procéder à la fois à l'estimation de biens, mais pas des biens du salon. C'est-à-dire qu'un visiteur qui aurait en photo une trouvaille ou un objet chez lui peut montrer à cet expert ce produit. Et puis en parallèle, ils auront aussi une conférence sur comment on appréhende et on vend aux enchères, puisqu'on a pendant toute la durée de l'événement un espace de conférence au sein du salon. Le salon Habitat Déco, Métiers d'art et antiquaire, c'est du 5 au 9 mars. Parmi les temps forts, il y a aussi une nocturne organisée. Alors en fait, effectivement, il y a plusieurs temps forts dans ce salon. Donc le premier temps fort, c'est le jeudi, déjà le jour d'ouverture, avec une journée découverte, une tarification unique à 2 € pour tous. Donc ça, c'est le premier temps fort, entre guillemets. Sur la journée du vendredi, on a une nocturne jusqu'à 21h. Et là, on offre l'entrée aux visiteurs à partir de 18h. Et de 18h à 21h, il y aura une petite déambulation musicale. Pour ce qui est du vendredi jusqu'au dimanche, on aura toute une programmation d'ateliers manuels, de conférences. Donc là, je vous invite à vous rendre sur des sites internet pour avoir l'ensemble des détails. Et puis, depuis plusieurs années, on a, au-delà de ce qu'on disait tout à l'heure sur l'espace tendance ou l'invité d'honneur des métiers d'art, on a un invité d'honneur du salon qui, cette année, après Emmanuel Rivassou en 2025, cette année, on a le plaisir d'accueillir Alexandre Crécio. C'est le viking du ménage, donc en fait, il sera là toute la journée du dimanche 8 mars pour proposer à la fois un défi familial sur la mission ménage en famille, la création d'une pierre d'argile maison et encore une conférence et un échange avec les visiteurs l'après-midi. Et puis, en parallèle, vous savez, on a toujours un espace un petit peu qu'on appelle l'univers éphémère. Et cette année, pour la deuxième année consécutive, il va être mis en scène par l'artiste Jeannot, qui va y présenter un espace intitulé « La place des arts, émergence ». L'idée étant d'accueillir des artistes contemporains émergents. Et ils vont, ces artistes, s'atteler toute la durée du salon à proposer des créations en direct. Donc c'est un côté un petit peu immersif, puisqu'on pourra venir à leur rencontre, les voir travailler, mais également échanger avec eux. Et c'est ça qui nous intéresse aussi, c'est d'avoir ce côté d'interaction avec les artistes. Et puis au cœur du Hall B, pour finir sur ces grands espaces que je disais tout à l'heure en préambule, c'est un espace vraiment dédié au cycle de vie du produit, de voir de quelle manière en fait un produit peut être réutilisé, détourné de son utilisation principale et autres, pour qu'on soit dans cette durabilité à ce niveau-là. Et là, on travaille avec Émilie Doll, qui vous accueillera et vous expliquera un petit peu toute la stratégie de ce cycle de vie. Voilà, le salon Habitat Déco, Métiers d'art et antiquaire, c'est du 5 au 9 mars au Parc des Expositions de Nancy, avec un beau programme. On pourra bien sûr se restaurer sur place. Il y a un site internet où on peut retrouver toutes les infos, hein, je crois. Oui, tout à fait, le site internet du salon et puis les réseaux sociaux. Et on vous invite, par ce beau week-end ensoleillé, à venir faire un petit tour du côté du Parc Expo. Merci beaucoup Auréliane Baird. Merci, à bientôt. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.